إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، اعلموا أن أعلى نعيم يناله أهل الجنة في الجنة، وأشرفه وأسناه وأرفعه وأبهاه رؤيتهم لرب العالمين جل في علاه، هو النعيم الأعلى والشرف الأسنى والمنة العظمى. إنه شرف علي وعطاء كريم يمن الله سبحانه وتعالى به على أهل الإيمان في الجنة. إنهم يرون ربهم جل وعلا حقيقة بأبصارهم، عيانا تشريفا لهم من مولاهم، يرونه ويسلم عليهم ويسمعون كلامه سبحانه. ألا ما أعظمها من هبة وما أجله من عطاء ونعيم؟ قال الله سبحانه وتعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وقال عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. وقال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الحسن البصري رحمه الله: حق لها أن تنظر، أي أن تكون تلك الوجوه حسنة بهيئة، وهي تنظر إلى الخالق جل وعلا. قال سبحانه: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد جاء التفسير للمزيد والزيادة في أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفسرت تلك الزيادة وذلك المزيد بالرؤية للرب الكريم سبحانه وتعالى. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que le bienfait le plus immense, le bienfait ultime dont peuvent bénéficier les gens du paradis au paradis, le bienfait ultime, le plus élevé, le bienfait qui a le plus de valeur et qui a le plus d'honneur, c'est le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la faveur ultime qu'Allah subhanahu wa ta'ala accordera aux gens du paradis. C'est un immense honneur et c'est un don inestimable de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde aux gens du paradis de par leur foi en leur Seigneur. Ils verront subhanahu wa ta'ala, ils verront leur Seigneur subhanahu wa ta'ala de leurs yeux, et cela sera un honneur de la part d'Allah azza wa jal à leur égard. Ils verront leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, ils entendront sa parole et Allah subhanahu wa ta'ala leur passera le salam. Il dit subhanahu wa ta'ala dans sourate Yassine, selon le sens, les gens du paradis seront ce jour-là dans une occupation qui les remplit de bonheur. Eux et leurs épouses sont sous des ombrages, accoudés sur les divans. Là, ils auront des fruits et ils auront ce qu'ils réclameront. Salam, salam leur sera dit, une parole de la part d'un Seigneur très miséricordieux. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans sourate al-Mutaffifin, Les bons seront dans un jardin de délices. Sur les divans, ils regardent. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, dans sourate Al-Qiyamah, ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit, ces visages seront resplendissants, car ce seront des visages qui regarderont leur Créateur, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans sourate Qaf, son le sens, il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront, et auprès de nous, il y a davantage encore. Et il dit subhanahu, son le sens, à ceux qui sont bienfaisants, et réserver la meilleure récompense, et même davantage. La parole d'Allah azawajal dans sourate Qaf, wa ladayna mazid, et auprès de nous, il y a davantage. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, wa ziyada dans sourate Al-Qiyamah, et même davantage, a été expliquée dans des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme étant cette faveur ultime, à savoir la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis. Qala Allah ta'ala, fi sha'ni man yabu'una yawm al-qiyamati bi sakhatillah. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال الإمام الشافعي رحمه الله ولما حجب هؤلاء في السخط دل ذلك على أن أهل الإيمان يرونه في الرضا أيها المسلمون وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن نبينا صلى الله عليه وسلم بذكر هذه المنة العظمى والعطية الكبرى رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا أحاديث كثيرة تشويقا للعباد وترغيبا لهم وحثا على الأعمال التي ينالون بها هذه العطية جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا أي صلاة الفجر والعصر وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر أي هل يضر بعضكم بعضا بمنازعة أو مضايقة قالوا لا يا رسول الله قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه كذلك أي ترون الله حقيقة كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم جل وعلا ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة كما أنه ثبت في الدعاء المأثور من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de ceux qui se verront affligés la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Il dit subhanahu wa ta'ala son le sens, qu'ils prennent garde, en vérité ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Ainsi, ceux qui auront provoqué la colère d'Allah, à travers leurs péchés, leur désobéissance, se verront privés de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. L'imam al-Shafi'i rahimahullah a dit, et parce que ces personnes seront privées de la vision d'Allah azawajal à cause de la colère d'Allah sur eux, cela prouve que les gens de la foi, que les croyants verront leur Seigneur, car il sera satisfait d'eux. Et sachez également que de nombreux hadiths ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquels il cite sallallahu alayhi wa sallam ce don ultime, cette faveur immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala accordera aux croyants dans le paradis. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Al-Bukhari Muslim, selon Jarir ibn Abdillah al-Bajali, radiyallahu anh, qui dit, nous étions assis en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est mis à contempler la lune, une nuit de pleine lune. Puis il a dit sallallahu alayhi wa sallam, vous verrez votre Seigneur comme vous voyez cette lune. Vous n'éprouverez aucune gêne à le voir. Et si l'un d'entre vous a la possibilité que ses occupations ne prennent pas le dessus sur vous concernant la prière avant le lever du soleil et la prière avant son coucher à l'heure faite, c'est-à-dire la prière du Fajr et la prière du Asr. Il est rapporté dans le hadith d'Abu Hurayrah radiyallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari et Muslim également, que des gens ont dit aux envoyés d'Allah, allons-nous voir notre Seigneur le jour du jugement? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, éprouvez-vous une quelconque gêne à voir la lune, une nuit de pleine lune? Ils ont dit non aux envoyés d'Allah. Puis il leur a dit sallallahu alayhi wa sallam, éprouvez-vous une quelconque gêne à voir le soleil lorsqu'il n'est caché par aucun nuage? Ils ont dit non, envoyé d'Allah. Il a répondu, vous verrez alors votre Seigneur de la même façon. C'est-à-dire que vous verrez votre Seigneur de façon réelle et concrète, comme votre vision de la lune et du soleil est une vision concrète. Et il est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, selon Suhayb ibn Sinan, le Romain, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque les gens du paradis entreront au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala leur dira, voulez-vous que je vous donne une chose supplémentaire? Ils diront, n'as-tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-tu pas fait entrer au paradis? Ne nous as-tu pas préservé de l'enfer? Puis Allah subhanahu wa ta'ala lèvera le voile, et il n'y a pas une chose qui leur sera donnée plus aimée chez eux que le fait de voir leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Puis il a récité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à ceux qui sont bienfaisants, la meilleure récompense et plus encore. Sachez également qu'il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait son Seigneur subhanahu wa ta'ala en disant, et je te demande la réjouissance de pouvoir voir ton visage et le désir ardent de te rencontrer sans subir aucun dommage qui me nuise ni tentation qui m'égare. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ثم اعلموا أيها المسلمون أنه عندما يقف المؤمن الصادق على هذه النصوص وعلى هذا التشريف العظيم والمن الكبير تتحرك نفسه شوقا وطمعا في أن يفوز بهذا الإنعام. وليس هذا أمرا ينال بمجرد الأماني، بل لا بد من عمل واستعداد وتهيؤ وتزود ومجاهدة للنفس بطاعة الله وحسن التقرب إليه سبحانه وتعالى. ولقد دلت النصوص على الصلة بين الصلاة والرؤية، وأن المحافظ على هذه الصلوات المعتني بها جدير بهذا الشرف العظيم أن يرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وأما من كان مضيعا لهذه الصلاة مفرطا فيها فهو حري بالحرمان، وقد دل على هذا المعنى الكتاب والسنة. أما الكتاب، قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى. فهذا الذي هو التضييع للصلاة سبب لها الحرمان ونيل هذا الخسران. وقد تقدم في حديث جرير بن عبد الله البجري قول نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الرؤية: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فعلينا أيها المسلمون أن نحافظ على هذه الصلاة وأن نعني بها وأن نعنى بها، فإنها معونة على كل خير ومزدجر عن كل شر. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وحري بعبد حافظ عليها أن يوفق لكل رفعة وكل فضيلة في دنياه وأخراه. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que le croyant véridique qui prend connaissance de ces versets, de ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous montrant ce don ultime et cette faveur immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde aux gens du paradis, cela doit amener le musulman à avoir cette envie ardente, à avoir ce désir de bénéficier de ce bienfait ultime. Et ce bienfait ultime, le musulman n'en bénéficie pas en suivant al-amani, en suivant les espérances, mais il doit œuvrer. Et il doit se préparer, il doit mettre de côté des provisions que sont les bonnes actions et la piété en Allah Azza wa Jal. Et il doit faire des efforts sur sa personne en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala et en se rapprochant de lui autant que possible. Et il doit faire en sorte que ses passions ne prennent pas le dessus sur lui. Beaucoup de textes viennent montrer cette relation qu'il y a entre la prière et la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis, et que celui qui préserve cette prière, l'accomplit convenablement et comme il se doit, bénéficiera par la volonté d'Allah azza wa jal de ce bienfait ultime, de voir son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui a été négligent vis-à-vis de cette prière, alors il est plus propice à être privé de ce bienfait immense. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Sourate Al-Qiyam, a dit son le sens: ce jour-là, des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur, et il y aura ce jour-là des visages assombris qui s'attendent à subir une catastrophe. Puis Allah Azza wa Jal a cité, et à la fin du verset 31, mais il n'a ni cru, ni fait la prière. Et le fait de ne pas avoir cru en Allah Azza wa Jal, et le fait de ne pas avoir prié, cela a été une des causes qui le privera de voir son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith de Jarir ibn Abdillah al-Bajali, Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir cité la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, a dit « Si l'un d'entre vous a la possibilité de faire en sorte que ses occupations ne prennent pas le dessus sur l'accomplissement d'une prière avant le lever du soleil et d'une prière avant son coucher alors qu'il fasse. » Il nous parle ici, sallallahu alayhi wa sallam, de ces deux prières que sont la prière de l'aube et la prière de l'asr. La prière de l'aube qui a pour occupation, qui empêche beaucoup de gens de l'accomplir, le sommeil. Et la prière de l'asr qui souvent intervient après que la personne ait terminé son travail. Et ainsi, lorsqu'elle a terminé, qu'elle commence à être libre, c'est à ce moment, le plus souvent, qu'intervient la prière de l'asr. Ce sont donc des prières qui sont difficiles à accomplir pour celui à qui Allah Azzawajal ne l'a pas facilité. Et d'accomplir ces deux prières demande un effort particulier. Nous devons donc, chers musulmans et musulmanes, donner une importance particulière à nos prières et les accomplir convenablement et comme il se doit, car les prières aident à accomplir le bien. Les prières nous éloignent de tout mal. Allah Azza wa Jalla nous ordonne de nous aider de la patience et de la prière. Et il dit subhanahu wa ta'ala que la prière aide à combattre et à repousser le mal et les turpitudes. Celui donc qui donne une particularité à cette prière et les accomplit comme il se doit, se verra alors facilité vers le bien et bénéficiera de cet immense bienfait, le bienfait ultime, à savoir de voir Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Nasallu Allah azza wa jal an yarzuqana ladhat an-nazar ila wajhi al-karim wa ash-shawqa ila liqa'ihi fi ghayri darra mudirra wa la fitnah mudilla. Allahumma inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqan وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.